Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire, la dernière émission de la saison. Aujourd'hui, 1902, Casque d'or, la reine des Apaches. C'est dans le Paris de la Belle Époque que nous partons ce soir. Pas celui des beaux quartiers, des soirées à l'opéra ou des promenades à la Tour Eiffel ou au Bois de Boulogne. Non, celui plus rude de l'Est parisien. Belleville, Ménilmontant ou Charonne, dans ces faubourgs où vit et travaille le petit peuple de Paris, ouvriers, blanchisseuses, chiffonniers, vendeurs ambulants, mais aussi voyous et prostituées. Il est rare que ces gens de peu, comme on disait, accèdent à la notoriété publique. C'est pourtant ce qui arrive en 1902. La presse parisienne, tout à coup, ne parle que d'eux. Les Apaches, c'est ainsi qu'elle surnomme les bandes de faquins à poignards, de rôdeurs de barrières, qui tuent, volent et sèment la terreur dans Paris. Une histoire violente qui prendra même des accents tragiques quand Manda et Leka, chefs de bande et souteneurs, s'entretueront pour la belle Amélie Ellie, sans doute la seule pierreuse à avoir atteint l'immortalité sous le nom de Casque d'or. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Dominique Khalifa, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historien, professeur à l'université Paris-Sorbonne. Alors vous qui êtes spécialiste de l'histoire du crime et de la culture de masse, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce personnage de Casque d'or et l'affaire des Apaches, qui aurait pu finalement rester à la case des faits divers, soit entré dans l'histoire avec un grand H? Elle commence, vous avez raison, elle commence dans la rubrique et dans la case des faits divers avec peut-être 1000 autres histoires pareilles. Pourquoi celle-là et pas les casques d'ébène ou autres casques d'or? Il y a eu d'autres femmes qu'on a surnommées comme ça avant Amélie Ellie. Essentiellement parce que des journalistes, un contexte, c'est ce Paris de 1902 qui est un petit peu fasciné quand même par l'exotisme des bas-fonds, par l'univers un petit peu glauque et en même temps qui fait frissonner mais qui fascine aussi des voyous, tout cela va tout d'un coup effectivement prendre vraiment et on va voir principalement grâce aux journaux, aux millions et aux millions d'exemplaires de papier qui étaient vendus à l'époque quotidiennement. Oui, c'est une époque de boom de la presse écrite. Absolument, c'est l'âge d'or de la presse écrite. Les grands journaux tirent à 1 million, 1 million 2, 1 million 3, des tirages que l'on n'aura jamais, que l'on ne reverra plus ou presque plus depuis. Et dans les colonnes de ces journaux, il y a beaucoup, beaucoup d'affaires criminelles, soit ce qu'ils appellent des beaux crimes, c'est-à-dire des affaires effectivement un peu énigmatiques ou dont les mobiles ou les circonstances sont extraordinaires, et donc que les reporters vont suivre de façon extrêmement prolixe jusqu'au procès, voire à l'exécution, à la condamnation. Et puis il y a aussi des dizaines et des dizaines et des dizaines d'entrefilets, d'échos, de faits divers, qui, pour la plupart d'entre eux, ne vont jamais quitter l'espace un peu étriqué de la rubrique, mais qui parfois, parce qu'un reporter est inspiré, parce qu'un des protagonistes de l'affaire est un peu plus brillant ou un peu plus inventif que d'autres, plus pittoresque. Pittoresque, etc. Et je crois que c'est ce qui se passe avec l'affaire Casque d'or. On a beaucoup attribué à deux journalistes importants, deux chefs des informations du grand quotidien, Victor Maurice au Matin et Arthur Dupin au Journal, la paternité en quelque sorte de l'affaire, mais je crois qu'il faut aussi compter avec les acteurs eux-mêmes. Quand même, les protagonistes. Alors, nous sommes donc en 1901, 1902. Qu'est-ce qui caractérise cette époque? C'est une période c'est la Troisième République. Est-ce que c'est une période de hausse de criminalité? Alors, non, je vais vous le dire un petit peu comme je le pense, après avoir passé beaucoup d'années, il y a longtemps, mais à étudier cette question-là. Je pense que vous avez un bon avis sur la question. D'abord, c'est extrêmement difficile de savoir si la criminalité est en hausse ou pas en hausse. Il y a tellement de facteurs, les sensibilités au crime, la présence de la police dans la rue, le désir de porter en justice ou de ne pas porter en justice. Enfin, on connaît tout ça et c'est toujours vrai aujourd'hui. Les seuls facteurs un petit peu crédibles que l'on peut mobiliser, c'est le nombre d'homicides. Parce que ça, globalement, si vous voulez, les cadavres, on les connaît, si vous voulez. Oui. Il y a des statistiques. Oh oui, en France, on a la plus vieille statistique judiciaire du monde, 1827. Or, on s'aperçoit qu'en 1900 ou en 1901 ou en 1902, il n'y a pas plus d'homicides. Il y aura un petit pic un petit peu plus tard, vers 8-9. Mais encore une fois, la plupart des homicides, c'est pas des affaires à la Casque d'or, c'est pas des affaires crapuleuses, ça se passe chez nous. Ça se passe chez les bourgeois. C'est chez nous qu'on a le plus de chances de se faire trucider. Donc, la réponse est non. Il n'y a pas effectivement une hausse de la criminalité particulièrement sensible vers 1900-1902. Mais il y a, sans doute, là, en revanche, une intolérance accrue, et de la part des gens ordinaires, et bien sûr des journalistes, et bien sûr des hommes politiques qui suivent le phénomène, le sentiment que tout ceci est insupportable et qu'il faut donc mettre une halte à ce qu'on appelle à l'époque la marée montante de la délinquance ou du crime, qui est avant tout une expression ou un ressenti. Ce qui est important, hein, bien sûr. Et puis, c'est une période aussi où il y a beaucoup de prostitution à Paris. Oui, alors la prostitution est importante à Paris. On peut même dire que cette ville est sans doute un des cœurs de la prostitution occidentale, pour des raisons qu'on a un peu oubliées. C'est-à-dire qu'il y a eu un dimorphisme très fort entre l'accès à la sexualité des jeunes garçons, qui est encouragé, hein, c'est bien pour un jeune homme et d'avoir... réfréné chez les jeunes filles. Et qui est tout à fait interdit, hein, chez les femmes. Donc effectivement, du coup, la prostitution apparaît comme un recours pour des tas de jeunes garçons. Enfin, se faire dépuceler au bordel, c'est même un rituel. Un rituel. Alors, l'histoire que je vais raconter dans quelques minutes se passe dans un périmètre finalement, périmètre géographique finalement assez réduit. On est dans les actuels 11e et 20e arrondissements de Paris. À quoi ressemble la capitale justement à ce moment-là? Il y a des quartiers chics à l'ouest et des quartiers plus ouvriers à l'est. Oui, bien sûr. Alors c'est pas comme à Londres, hein. On n'est pas dans une distinction aussi radicale. Mais les travaux d'Haussmann qui ont entièrement embelli, comme on disait à l'époque, rénové la ville au milieu du 19e siècle, entre 1852 et 1870, ont eu aussi pour effet d'accroître énormément la ségrégation sociale. Pour aller vite, hein, avec bien sûr des nuances, on aurait un ouest parisien qui va de la Concorde jusqu'au bois de Boulogne, etc., etc., qui deviennent des quartiers riches, et une ceinture ouvrière, une ceinture pauvre, qui part de Montmartre au nord, et qui fait tout un arc de cercle vers l'est parisien, mais aussi le sud parisien. Bercy, Grenelle, Javel, ce sont des quartiers très pauvres, très misérables. Mais le cœur, parce qu'il y a une dimension culturelle un peu plus forte là-dedans, le cœur vraiment du Paris populaire, du Paris gouailleur, du Paris des faubourgs, du Paris des gavroches, du Paris des révolutionnaires, c'est bien sûr l'est parisien, Belleville, La Chapelle, Ménilmontant, La Villette, il y a beaucoup de petits commerces, des petits jardins. Il y a beaucoup de petits jardinets. C'est une ville vivante, c'est une ville du travail, c'est une ville du plaisir aussi. Les bals le soir, les fêtes foraines, c'est une ville populaire. Alors Dominique Khalifa, justement, nous allons nous plonger dans ce Paris 1900 et nous nous retrouvons, si vous le voulez bien, dans une trentaine de minutes. Tout de suite, 1902, Casque d'or, La Reine des Apaches, un texte de Patrick Nautret, écrit spécialement pour Autant en emporte l'histoire. Réalisation, Laurence Courtois. Trois heures que je tapine place de la Nation. J'ai beau marcher, j'ai froid. Faut dire que je suis habillée légèrement. Mais bon, une michetonneuse en mitouflée, ça n'attire pas le bourgeois. J'ai le tournis à force de regarder le tramway du cours de Vincennes qui passe et repasse. Les calèches avec leurs chevaux aux naseaux fumants. Le rémouleur qui tire sa carriole d'un bout à l'autre de la place. La marchande de beignets qui gueule en tournant en rond devant son étal. Pas un client. Mes clients, ils sont restés bien au chaud chez eux avec leur régulière et toute la progéniture. Tout à l'heure, trois gamins sont venus me tirer sur ma jupe en criant « Casque d'or ! Casque d'or la putain !» Qu'est-ce qu'ils ont tous contre les putains ? La putain, elle fournit du rêve aux hommes. La putain, elle soulage les épouses de ces messieurs. Elle dorlote les jeunes commis qui tirent la langue et qu'elle berce dans ses bras. La putain, elle fait circuler la richesse. Elle a un rôle économique. Et mon julot qui devait veiller sur moi au cas où je tomberais sur un dérangé du ciboulot, il est où, hein? Restez au chaud, bien sûr. Et il me cognera dessus si je rentre ce soir sans un sou. J'aimerais tellement qu'il se passe quelque chose dans ma vie. Un grand amour ou devenir connue. Une artiste. Pourquoi pas? Ah, oh, tiens, l'allumeur de bec de gaz. Un de mes bons clients. On va peut-être faire affaire tous les deux. Automne 1901. Amélie Ellie, surnommée Casque d'or dans son quartier, n'est qu'une des nombreuses prostituées qui arpentent les trottoirs du Paris de la Belle Époque. La future reine des Apaches est alors loin d'imaginer qu'elle va être à l'origine d'un drame sanglant qui bouleversera la capitale, ni qu'elle va devenir une icône de la presse. Un demi-siècle auparavant, le baron Haussmann a transformé Paris, repoussant les populations les plus pauvres vers la périphérie. L'est de la capitale, qui a gardé un côté campagnard avec ses ruelles sinueuses, ses petites maisons et ses jardins, est désormais aux mains de plusieurs gangs qui vivent de raquettes, d'escroquerie et de proxénétisme et que la presse surnomme les Apaches. Le soir venu, ils quittent les quartiers de Ménilmontant et de Belleville pour investir le centre-ville, où leurs exactions font les choux gras des journaux. Dans ces groupes, souvent rivaux, les femmes participent tout autant que les hommes. Le préfet de police, Louis Lépine, qui doit faire face à l'ampleur du phénomène, reçoit dans son bureau le dénommé Joseph, un de ses indicateurs. Ah, personne ne vous a suivi, Joseph ? Personne, monsieur le préfet. Ah, très bien. Vous avez adopté dans le moindre détail l'apparence de ces voyous. Jusqu'aux cheveux rasés sur la nuque et pommadés sur le dessus. J'ai même appris la danse Apache, monsieur. Elle est spéciale ? C'est une java où l'on s'échange gifles et coups de poing. L'homme tire sa gigolette par les cheveux, la jette à terre, la ramasse, la lance en l'air. Bon, des mœurs dignes des sauvages du Far West. Vous êtes toujours dans la bande de... Des orthos, oui. Quoi de neuf chez eux ? Oh, la routine, monsieur. On s'affronte à coups de couteau et de hache avec la bande de Belleville, la bande à la cravate verte, ouais. Ou encore la bande de Popincourt. Ils ont un nouveau chef, un tatoué. François Dominique se fait appeler Leka. Très dangereux, son père était pourtant officier de police. Diable, ça promet. Tenez-le à l'œil, celui-là, et rédigez-moi une fiche sur lui. Ah, la Pache et la plaie de Paris. J'en ai encore parlé avec le président Loubet et mon ami Clémenceau. Ils ont peine à croire que ces voyous soient très jeunes. Je confirme, entre 15 et 20 ans. Et qu'ils seraient environ 30 000 dans Paris. Sans doute beaucoup plus, monsieur. Et moi, je ne peux aligner face à eux que 8000 agents en uniforme et un petit millier d'inspecteurs habillés en bourgeois. Je ne parle même pas des faubourgs. Si je peux suggérer... Faites. Des chiens dressés. Comment ça ? La Pache, il faut le mordre aux jambes. Une fois capturé, à la moindre tentative de fuite, le chien l'empoigne par le fond de sa culotte. Et tant pis s'il fait un accroc à l'escroc. Intéressant. Merci, monsieur. Allez, Joseph, au travail. Et n'oubliez pas, vous ne rendez des comptes qu'à moi seul. Et prudence, si vous étiez découvert... C'est sûr, il me ferait mon affaire. Monsieur... Quoi, encore ? Dans la rue, méfiez-vous bien du coup du père François. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, une Apache en jupon vous demande l'heure. Vous sortez votre montre. Un autre Apache arrive derrière vous, il vous passe vivement une ceinture autour du cou, il pivote, se penche en avant et vous voilà tenu en bascule sur son dos. Diable. Et pendant que vous étouffez, l'Apache en jupon vous détrousse et les deux larrons s'enfuient. Bougrement astucieux. Il est heureux que je ne donne jamais l'heure aux passants. Je ne donne jamais rien d'ailleurs, sauf mon opinion. L'Apache est maître Biami. Casquette à pont, veste cintrée, pantalon à pattes d'éléphant, foulard de couleur vive, bottines jaunes à bout pointu. Pour se cacher, il y a les fortifications de Paris, les fortifs. Quand il en sort, il tue, il vole, il arnaque et se fait proxénète. À Paris, la prostitution est pourtant officielle. Dans les maisons closes, on affiche les tarifs des passes, avec les détails, comme sur une carte de restaurant. Mais bien des filles sont la proie de souteneurs ou de souteneuses. Casque d'or a été mis sur le trottoir à 14 ans par une femme se faisant appeler Hélène de la Courtille. Amie, amante et maquerelle. Amélie a aussi son julot du moment, un certain Bouchon. Mais Amélie a fait une nouvelle rencontre et s'en confie à Justine, une de ses amies prostituées qu'elle croise sur le boulevard. Pourquoi tu enlèves pas ta voilette ? Hélène me cherche, si elle me voit avec toi. Bah et alors, on fait rien de mal. Elle est d'une jalousie, celle-là. Elle m'aura directement fait passer des joies célestes au noir en pierre des démons cornus. Tu bois, t'en dirais. T'as cassé un de tes talons ? Non, c'est mon vélo. Ah oui, cette ivrogne. Enfin, je veux dire. Bouchon, c'est son nom. Enfin, son surnom. J'en peux plus de lui. L'autre jour, cet abruti, il était encore sous. Il m'a planté ses ciseaux dans la cuisse. J'ai mal. Dis-moi, Justine, Manda, tu connais? Évidemment, c'est le meneur de la bande des Orteaux. Un beau gars. C'est lui qui a fait la peau à Polo l'arrangeur, le chef des loups de la butte Montmartre. Ouais, d'un bon coup de surin. Pourquoi tu m'en parles? Hé, hey, y a une guinguette là-bas. Tu veux pas qu'on s'arrête discuter un peu en sirotant une absinthe? Je peux pas. Allez. Disons, t'as pas l'habitude de marcher, toi, hein? Vous, les filles des maisons, vous êtes des vrais chiffres molles. Oh, n'empêche que je t'envie. Ouais, faut voir. Je suis cloîtrée 6 jours par semaine, à attendre de faire au moins mes 6 passes par nuit. Je me lève à midi. Le reste de la journée, je traîne la savate en attendant le soir que ces messieurs arrivent. Ouais, les journées qui suivent et se ressemblent toutes. Au moins t'as chaud l'hiver. Et t'es nourrie, logée, protégée. Ouais, par la tôlière qui me pique tout mon argent. Si c'est cette vie-là que tu veux, Amélie. Et alors, Manda? Quoi, Manda? Tu sais qu'il a un atelier secret. Il appelle ça sa caverne. Qu'est-ce qu'il y fabrique? Avec des poings américains, des matraques, des poignards, des fausses clés pour la cambriole. Il forge tout ça, même les ressorts des couteaux à cran d'arrêt. Ah ouais, il est doué de ses mains, c'est connu. Il a inventé des pinces spéciales. Spéciales comment? Oh, attends, il y a un vieux qui s'approche. Oh, et puis non, pas ce soir, il me dégoûte. On vient, on marche dans l'autre sens. Oh, on disait quoi déjà? Les pinces. Oui, les pinces. Spéciales pour attaquer les coffres-forts des bourgeois. Il bricole aussi des revolvers avec un poignard qu'il saute sous le canon. À quoi ça sert? Quand t'as vidé ton revolver, tu peux encore trouver un ennemi. Les Condés, ils appellent même ça un apache. M'en faudrait un comme ça. Les rues sont pas bien sûres. On va se mettre en ménage, lui et moi. C'est l'amour, ma belle. Adieu, Bouchon le frappeur. Adieu, Hélène de la Courtille. Faut voir. L'amour, c'est splendide. Mais si l'habitude s'en mêle, ça devient une petite image à dessous qu'on connaît par cœur. Je sais bien. L'amour qui n'est pas fouetté, ça sert à rien. Moi, j'ai toujours préféré l'amour tragique à cette niaise petite affaire qui est faite avec résignation par l'épicière et la boulangère du quartier. Peut-être. Mais attention, Amélie. Ce gars-là, c'est pas un tendre. Il va te remettre au turban sur le trottoir. Et alors? Tu voudrais quoi? Que je devienne blanchisseuse ou quoi? Il me protégera en retour. Et lui aussi, il travaille. Il risque sa peau en détroussant les passants dans les ruelles. Allez, faut que j'y retourne. Eh, hey, toi aussi tu les détrousses, mais dans les ruelles de lit. Bouchon a appris que je voulais le quitter. Avec deux de ses amis, il m'a roué de coups devant tout le monde. Salopard. Je suis tombée. Et même à terre, ils m'ont encore frappée et insultée. Je me suis enfuie et j'ai erré comme une folle pendant 3 jours dans Paris. J'étais couverte de bleu et d'écorchures. J'ai fini par retrouver Manda. Je lui ai tout raconté. Manda va rapidement faire comprendre à l'ivrogne, surnommé Bouchon, que Casque d'Or ne lui appartient plus et qu'il est devenu son nouveau protecteur, comprenez, son souteneur. Bouchon se désintéresse alors prudemment d'Amélie. À la grande surprise de cette dernière, Manda se montre bienveillant avec elle. Contrairement à sa solide réputation de voyou ombrageux, il la protège et ne la maltraite pas. Pendant des mois, ils filent ensemble le parfait amour. Viens là, ma belle, que je t'embrasse. Oh, tes cheveux. Oui, quoi mes cheveux? J'adore glisser mes doigts dedans. On dirait de l'or. Et dans mon décolleté, tes doigts, ils cherchent de l'or aussi? Alors, ma petite gagneuse, tu m'as rapporté combien ce soir? De quoi faire de toi le roi du quartier, Manda. Je veux que tu sois habillée comme un prince. Tiens, prends ça. On va le dépenser dans les boutiques, ensuite on ira danser. C'est tout? 50 francs. Je croyais que tu voulais que je devienne le roi de Paris, pas seulement celui du quartier. Bah oui, j'y crois, moi. Un jour, tu seras la plus grande pointure de Paris. Les michetons, tu sais, j'ai l'habitude de les voir ramper autour de mes jupes. Tous ces beaux impatients, ces chercheurs de rêves à 10 sous. Mais la concurrence est rude sur le trottoir. J'ai une idée pour avoir plus d'argent. Tu m'intéresses. Raconte. Tu devrais apposer ta marque sur tous les objets que tu fabriques. Tu serais célèbre et on serait riche. Tu plaisantes, j'imagine. Si un de mes clients se fait serrer avec des pinces Monseigneur ou des fausses clés gravées à mon nom, c'est sûr que je vais être célèbre, ma petite chérie. Juste avant qu'on me colle au mitard pour un sacré bout de temps. Mais Amélie découvre que Manda n'est pas fidèle et il finit par la délaisser. Elle retrouve alors la rue pour y oublier sa solitude. Son errance la mène dans le quartier de Charonne, où elle tombe sous le charme sulfureux du chef de la bande rivale, Dominique Leca, l'ennemi juré de Manda. Un choix, elle l'ignore encore, qui aura de lourdes conséquences. Cette fois-ci, c'est bien fini avec Manda. Leca, il est fascinant, faut dire. Il a été dans les bataillons d'Afrique, les Baddaf. Il a tué de ses mains des tas d'indigènes. Son corps est couvert de tatouages. J'ai éprouvé dès notre première rencontre comme une envie folle de partir avec lui, d'admirer l'oasis avec les lions, le beau soleil d'Afrique se couchant derrière les palmiers et les cactus. Et en plus de sa fière allure de conquérant, ce gaillard-là compose des vers splendides qu'il déclame de sa voix chaude et pressante. Ça vous embrouille la tête et ça vous secoue l'âme. Je t'adore, ma Lily, avoir tes yeux si beaux, plus purs et lumineux que les pures étoiles. À entendre parfois ton doux babil d'oiseau, il me semble qu'un coin du firmament sans voile vient de s'ensoleiller de rayons plus brillants. Un poète ténébreux, Leca, voilà ce qu'il est. Mais Manda, rongé par la jalousie et blessé dans son orgueil, décide de se venger. Une nuit de décembre 1901, alors qu'il se promène bras dessus en amoureux sur le boulevard de Belleville, Casque d'Or et Leca sont attaqués par deux hommes. Lâche-la, Leca. Elle est à moi. Quoi? Mais quoi? Viens ici. Dégage, toi. Dégage. Quant à toi, mon petit gars, je vais... Oh là. Mais c'est qui sort son flingue, le monsieur? Elle est plus à toi, Manda. Fous le camp, Manda. Il va te tuer. On se reverra bientôt. Manda tient sa promesse. Quelques jours plus tard, on tire sur les fenêtres du couple. Ces règlements de compte violents alimentent la chronique apache des journaux. La presse se passionne soudain pour Casque d'Or et ses deux soupirants, qu'elle élève au rang d'une Hélène de Troie convoitée par un Paris et un Ménélas des bas-fonds. Le public parisien, qui redoute tant les voyous, est bizarrement fasciné par ce drame passionnel. Dans les ruelles, alors que les habitants se calfeutrent chez eux, les deux bandes rivales se livrent désormais une guérilla larvée. Mais ce n'est encore que le premier acte du drame qui va se jouer bientôt en plein centre de la capitale. Henri Frémont, un reporter du quotidien Gil Blas, sentant le filon que peut représenter la jeune prostituée, l'emmène faire une promenade en automobile sur les bords de la Marne. Tu sais que c'est la première fois que je monte dans une automobile, mon joli. Vous allez voir, Amélie, c'est grisant. Tenez tout de même fermement votre chapeau, il vous va bien. Merci. J'aimerais commencer par une série d'articles dans le quotidien. Le titre, Casque d'Or, la célèbre gigolette. La gigolette, je rigole. Et ce n'est pas tout. Nous avons aussi un supplément mensuel illustré. Ce qui serait bien, ce serait de faire des photographies avec vous. Ça me plaît pas trop, tu sais, mon gars. Pourquoi ? Nous, les filles, on se fait tout le temps embarquer par la police des mœurs. Et s'ils aperçoivent mon frais minois dans ton journal... Bah, c'est du passé, tout ça. Il faudrait que vous posiez dans des tenues assez... Assez légères, Oui, même assez dénudées. Oh. Il faut émoustiller le lecteur, l'encanailler avec un joli sein qui dépasse d'un corset. Bon, là, d'accord, ça, c'est mon métier. Mais je montrerai seulement ce que je veux bien montrer. J'ai également dans l'idée de faire des cartes postales vous représentant en compagnie d'apaches qui se défient au couteau pour vos beaux yeux. Et tu vas les recruter où, tes marlous? Au mitard? On prendra des figurants. On les déguisera en apaches, c'est aussi simple que ça. Mais attention, Amélie, je veux l'exclusivité. De quoi? De vos déclarations, des photos, de tout. En somme, vous ne vous confierez qu'à moi seule et en retour, je vous le promets... Vous allez devenir célèbre et vous allez gagner beaucoup d'argent. J'ai bien du mal à te croire, mon ami. T'as l'air d'un brave garçon, hein. Mais les promesses de grandeur, on m'en fait tous les jours sur le trottoir. Oh, et puis ralentis un peu ta machine, tu veux? Je me sens pas très à mon aise, moi, là-dedans. Vous pouvez me croire, Amélie. Les autres journaux vont rapidement nous emboîter le pas, vous verrez. T'as l'air bien sûr de toi, mon joli. Bon, après tout, qu'est-ce que je risque, hein? De me faire embarquer par la volaille un peu plus souvent. Ou de devenir encore plus célèbre que ce que je vous prédis. Et dis-moi, qu'est-ce que je raconterai aux autres journalistes qui viendront frapper à ma porte si je deviens aussi populaire que tu le prétends? Mais rien du tout. Et s'ils essayent de rentrer chez vous, faites-les jeter à la rue par vos amis les Apaches. Bon, allez. Allez, arrête-moi cet engin de malheur, là. J'ai du travail. Oh, tu m'ouvres la portière? Il paraît qu'ils font comme ça dans la haute. Il avait vu juste Frémont. Maintenant, ils me veulent tous pour leurs journaux. On parle plus de moi que de Sarah Bernard. Pour faire ma coquette sur les photographies, je me suis acheté une robe de femme du monde. Justine m'a aidée à la choisir. Elle dit que sa couleur va bien avec mes cheveux. Je reçois des lettres de grands noms de l'aristocratie française. Il y en a un qui m'a écrit « Madame, vous avez pour métier de vendre du plaisir. Soyez assurée que je suis très décidée à vous en acheter, et ceci bien au-delà de vos espérances. Vous êtes la femme du jour, soyez aussi celle de mes nuits. » Quels idiots! Mais pourquoi pas? Si ces gens la payent bien. Une comtesse a demandé à me rencontrer, la comtesse de Castellane. Elle m'a promis de m'inviter à son prochain bal masqué. Elle se déguisera en casque d'or, moi je me déguiserai en comtesse de Castellane. C'est son mari qui sera épaté. Mais tandis que Casque d'or rêve à sa gloire toute nouvelle, la fièvre apache monte dans les rues. Et le 5 janvier 1902 au soir, à la sortie d'un bal de la rue d'Avron, les troupes de Manda et de Leka s'affrontent avec une violence jamais égalée. Devant des passants terrorisés, 60 voyous se ruent les uns sur les autres, armés de haches, de poignards et de revolvers. Pendant une demi-heure, les lames s'entrechoquent, les coups de feu claquent, des corps s'effondrent sur le pavé. Puis la mêlée furieuse s'arrête soudain et tous prennent la fuite en emmenant les morts et les blessés. Le sol est jonché d'armes abandonnées parmi les flaques de sang. Manda reste seul dans la rue déserte. On dirait que je me suis pris un coup de lame dans les côtes. Ouais, c'est pas bien profond. Bon, faut que je me tire d'ici. Salut Manda, mais qu'est-ce qui se passe? Nom de Dieu, Joseph, ça c'est torsi que t'arrives. Raoul le dingue et gueule en bien m'ont averti que ça chauffait dans le coin. Je suis venu aider, mais... Dis donc, tu saignes, t'es blessé. C'est rien, la lame a glissé. Mais t'arrives encore après la fête, mon petit gars. Bon, la volaille à bicyclette va rappliquer sous peu. Faut se tirer par la ruelle, allez viens. T'étais pas au parfum? De quoi? Un beau soir, j'allais filer une correction à l'écaille à sa bande. Bah c'était soir. T'étais où, toi? Au mitard de la Bastoche. Je me suis fait ramasser par les Condés ce matin. Un malentendu m'ont libéré il y a pas longtemps. Et l'éca, tu l'as eu? Je l'ai touché. Je l'ai touché, le salopard. J'ai vidé mon flingue sur lui. Il a dégusté au moins 2 pruneaux. Il va sûrement crever. Fallait pas me prendre ma petite gagneuse. Elle est à moi, casque d'or. À moi! Et s'il crève pas, il va te balancer, t'y as pensé? Il va pas me donner au roussin. Il a de l'honneur. C'est un apache. Et puis, s'il crève pas aujourd'hui, bah, je l'aurai un autre jour. Le fumier. Ça presse pas. Et chez nous, il y a du dégât? Face de lune et le dénicheur ont pris des coups de surin plutôt méchants. Mais faudra qu'on cossoie, moi. Et vite. Il y a un truc qui cloche chez toi, je trouve. De quoi tu parles? Tu me parais comme qui dirait trop bien pomponné pour un gars qui aurait passé sa journée au mitard. Et t'arrives souvent trop tard quand il y a du grabuge. Ah, c'est sans doute parce que... Chut, lève-la! Ferme-la maintenant et cours! On se sépare ici! Oublie pas ce que j'ai dit, Joseph! Tu sais comment on punit les traîtres chez nous! Va-t-il vivre, mon tatoué? Tout à l'heure, quand je l'ai vu sur son lit, tout blanc, il m'a paru bien mal en point. Ils ont extrait les balles, mais il doit souffrir terriblement. Même s'il n'a pas desserré les dents une seule fois devant ses hommes et devant moi. Quel drame! Moi qui m'efforçais d'arranger les choses entre mes deux jaloux, entre mes deux terribles, rien n'y a fait. Est-ce que je pouvais imaginer que ça finirait de cette manière entre nous trois? J'ai peur maintenant. On m'a rapporté que Manda est comme un fou et qu'il me cherche. Il devrait pourtant se souvenir qu'on en a passé du bon temps ensemble. Je sais qu'il a encore des sentiments pour moi. Comme j'en ai encore pour lui, hélas. Et j'ai très envie de lui pardonner. Car est-ce que c'est pas aimer vraiment une femme que de vouloir tuer un homme pour elle? Si on me demandait, lequel des deux préférez-vous, Amélie? Manda ou Léka? Je saurais pas quoi répondre. D'ailleurs, peut-on jamais savoir ces choses-là? Le lendemain, plus que jamais, la presse se déchaîne. Les Apaches sont devenus les rois de l'actualité, il n'y en a que pour eux, avec un luxe d'illustrations. Le Petit Parisien, Le Matin ou Le Petit Journal déclenchent une campagne sécuritaire. Le moment est venu de réagir, de balayer énergiquement toute cette vermine et toute cette pourriture qui avilit et déshonore Paris. Les Apaches veulent notre peau, intervertissons les rôles. Le Journal du Dimanche, lui, exhorte à l'autodéfense et propose un large éventail d'armements pour équiper le bon citoyen. Mais la cible privilégiée des chroniqueurs demeure encore le préfet de police qu'ils accusent de laxisme. Après la rixe des deux bandes qui a fait grand bruit dans Paris, Louis Lépine convoque de nouveau son espion. Ah, les journaux. Ah, les éditorialistes. Qui prennent donc ma place, tiens? Parfois, ces piscopies me font plus peur que les Apaches. Quant à vous, Joseph, je vous retire du circuit. C'est plus prudent. En effet, monsieur. Manda me soupçonne, je serai bientôt découvert. Et on vous retrouvera dans un fossé avec un poignard planté dans le dos. Qu'est devenu ce Léka après l'échauffourée? Les journaux ne le disent pas. Il s'est planqué avant d'être emmené par ses hommes à l'hôpital Tenon. Sérieusement blessé, mais il s'en tirera. Il a dénoncé Manda? Un collègue est allé l'interroger, mais il est resté muet comme une tombe. Il respecte la loi du silence, qui constitue la seule boussole de ces voyous. Mais il me faut des aveux, pour les juges. Ah, on va les coincer, Joseph, les Léka et les Manda, avec leurs hommes de main. Vous témoignerez. Oh, je ferai mon devoir, monsieur, cela va de soi. Mais j'en tirerai de plus une satisfaction personnelle si on parvient à les faire condamner. Et la casque d'or? La désormais célèbre catin de nos deux julots. Quelle nouvelle? Elle s'est fait peindre. Pardon? Le peintre Albert Depré. Je connais. Des chaumières, des vaches, des arbres et encore des arbres. C'est d'un ennui. Il a peint la casque d'or. On peut voir sa toile au salon des artistes. Il lui a allongé le visage et fait un nez plus fin. C'est fort joliment exécuté. Ah oui? Eh bien, je vais faire immédiatement décrocher cette croûte du salon. Une vraie atteinte aux bonnes mœurs. Oui, je suppose. Qu'avez-vous, Joseph? Vous n'en passeriez pas un peu pour elle? Non, mais bien sûr que non, monsieur. Mais, vous savez, les journaux en ont fait la nouvelle idole romantique, comme ils disent. Sapristi! Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Au point que les dames du monde se font coiffer comme elle et teindre les cheveux de la même couleur. Flamboyante. Mon épouse, elle-même. Et elle lance les modes, en plus, cette traînée. Quoi d'autre? Eh bien, elle se prépare à monter sur scène. Au Bouffe du Nord. Quoi? Dans une revue intitulée Casque d'or et des Apaches. On lui donnera 45 francs par soirée. Quelle indignité! C'est totalement immoral! Je vais faire interdire ça aussi. Je vous approuve, monsieur. Mais j'espère bien, nom de Zeus. Cependant, est-ce que les journaux ne risquent pas de dire qu'elle allait tenter sa chance sur les planches et que vous la renvoyez sur le trottoir? Vous avez le sens de la formule, Joseph. Et un bien noble cœur. Merci, monsieur. Bien. Reprenez une apparence normale. Le déguisement d'Apache, c'est terminé. Au revoir. Attendez. Vous complimenterez pour moi, madame, votre épouse, pour sa nouvelle teinture. Comment dites-vous? Flamboyante. Merci. Je ne manquerai pas de lui transmettre votre hommage. Je peux faire interdire beaucoup de choses dans ce pays. Mais pas les coiffures des Parisiennes. Quel dommage. « Malgré ses graves blessures, Leka fait venir Casque d'Or ainsi que certains de ses complices pour le faire sortir discrètement de l'hôpital Tenon. Mais à peine est-il installé dans un fiacre qui doit le transporter chez lui, qu'un homme de mandat bondit sur le marchepied et lui porte deux coups de couteau dans la poitrine. De retour à l'hôpital, l'apache, délirant de fièvre, finit par donner au policier le nom de mandat. Celui-ci s'enfuit, mais il est arrêté le mois suivant en Belgique. Au cours de son procès, il lancera à ses juges « Bon sang, mais vous ne savez donc pas ce que c'est que d'aimer une fille ?» Une foule immense se pressera devant le palais de justice pour voir Casque d'Or, vêtu d'une somptueuse robe verte, mettant en valeur son ardente crinière. En mai 1902, les deux chefs de bande seront condamnés aux travaux forcés au bagne de Cayenne. Casque d'Or ! Casque d'Or ! Ah, je vous cherchais partout. Encore toi ? Tu veux devenir mon nouveau julot ou quoi ? Mais j'ai une formidable idée qui vous séduira, Casque d'Or, j'en suis certain. On parle vite. Je suis en train de travailler là, comme tu peux le voir. Puis, t'imagines bien que j'ai plus trop le cœur à faire la mijaurée devant les photographes. Bien sûr, après tout ce qui est arrivé. Mais croyez bien que je partage votre... Ni à poser debout pendant des heures pour des peintres qui n'exposeront jamais mon portrait. Tu vois de quoi je te parle ? Je comprends ce que vous ressentez, Amélie, sincèrement. Mais il ne s'agit de rien de tout cela. Voyez-vous, le célèbre journal La Fin de Siècle serait très intéressé par la publication de vos mémoires. Non. Il se trouve que je les ai persuadés que vous aimeriez me les confier. C'est une formidable opportunité, il faut la saisir. Mes mémoires ? C'est une blague ? Et pourquoi est-ce qu'il voudrait que je fasse ça ? Et les lecteurs connaîtront enfin toutes vos aventures. Votre vie, disons, si particulière, si riche en événements. Les Apaches, Belleville, Charonne, les hommes, l'amour, que dis-je ? La passion, vous voyez ? Mais mon joli, je suis bien incapable d'écrire tout ça. Et cela n'a strictement aucune importance. Vous me raconterez vos souvenirs quand vous aurez un peu de temps et je les coucherai sur le papier. Et ça s'appellera ? J'ai un titre en tête. Je pense à « Mes jours et mes nuits par Casque d'Or, reine des Apaches ». Les mémoires d'Amélie et Ellie seront publiées sous forme de feuilleton, ce qui déclenchera la fureur du préfet Lépine. Elles rencontreront un réel succès et assureront sa consécration. Et pourtant, rien n'y fera. Casque d'Or poursuivra sa vie de prostituée, puis la presse commencera à l'oublier. La reine des Apaches. Ils en ont tous bien profité de la fameuse, de la célèbre reine des Apaches, les journalistes. Les Frémont et compagnie. Ils en ont vendu du papier imprimé sur mon dos. Certains sont même allés jusqu'à écrire que j'avais tout manigancé. Que c'est moi qui avais dressé volontairement mes deux julots l'un contre l'autre. C'est faux, évidemment. Qu'est-ce que je pouvais faire contre ça ? C'est à cause d'eux que les Roussins m'ont bouclé pendant un moment comme complice d'assassinat. Heureusement que j'ai fini par être lâchée. Et maintenant ? J'ai plus personne. Mon Leka et mon mandat sont partis pour toujours de l'autre côté de la terre. Comme je les ai aimés, ces méchants petits gars. Ils m'en ont fait des misères. Mais comme ils me manquent. Des années plus tard, en 1916, Amélie recevra un courrier de Guyane, provenant d'un bagnard qui faisait partie de la bande de Manda, un ancien apache condamné lui aussi aux travaux forcés. Il m'écrit souvent, ce gars-là. Il sait écrire, et puis on lui a laissé le droit d'écrire là-bas. Il commence chacune de ses lettres par « Ici, ils ont mis l'enfer au paradis ». Je savais déjà par lui que mes deux terribles, on ne les avait pas installés ensemble au bagne, par sécurité. Manda sur l'île Royale, Leka sur l'île du Diable, au large de Cayenne. Ils étaient seulement séparés par un petit bras de mer. Mais un bras de mer grouillant de requins. Manda, il a changé là-bas, paraît-il. Il est devenu infirmier. Lui qui jouait si bien du surin, il joue désormais du bistouri, pour le plus grand bien des tôlards malades. Il est très apprécié par tout le monde. Et puis, l'incroyable nouvelle. Il y a un mois, Leka a été amené à terre pour travailler dans la forêt. On lui a retiré ses chaînes. Et là, il a réussi à leur fausser compagnie. Les gardiens ont envoyé des sauvages à sa poursuite, mais ils l'ont jamais rattrapé. J'ai déchiré la lettre et j'ai pleuré la nuit entière. Je l'imagine, mon tatoué, courant dans cette jungle affreuse de l'autre bout du monde. Poursuivi, affamé, délirant de fièvre peut-être. Quel sera son destin s'il survit ? Ira-t-il s'installer quelque part dans le vaste monde ? Ou va-t-il un beau matin venir frapper à ma porte ? Léka ne réapparaîtra jamais. Manda finira ses jours en Guyane et le préfet Lépine créera la brigade canine spécialisée dans la traque des Apaches, ainsi que le concours d'invention qui porte son nom. Casque d'or tentera de se produire dans un cirque comme dompteuse de fauves, mais la police interdira de nouveau le spectacle. Alors, au cabaret du bruyant Alexandre, boulevard Saint-Martin, on courra entendre Amélie Ellie chanter sa chanson vraie. De Belleville à la Villette, comme aux quatre coins de Paris, je suis la blonde gigolette dont on est follement épris. Des gigolos font des prouesses qui leur réservent un triste sort, et pour obtenir mes caresses, ils osent affronter la mort. « 1902, Casque d'or, la reine des Apaches » de Patrick Notret avec Suzanne Aubert, Amélie Ellie, Gabriel Dufay, le préfet Lépine, Sylvain Levitte, Joseph, Charlotte Campana, Justine, Slimane Niefza, Joseph Plaigneur dit Manda, Étienne Launay, Henri Frémont et les voix de Mathieu Béguier et Christophe Desposti. Bruitage Elodie Fiat, recherche musicale Romain Couturier, prise de son montage et mixage Olivier Dupré et Louis Bardinet, assistante à la réalisation Sophie Pierre, réalisation Laurence Courtois. Vous écoutez France Inter, autant n'importe l'histoire. Dans quelques minutes, on reprend la discussion sur Casque d'or et les Apaches avec mon invité Dominique Khalifa. Clara Luciani, la grenade, choisie par Thierry Dupin. Vous écoutez France Inter, autant n'emporte l'histoire. À la réalisation, Juliette Gou, assistée d'Emmanuel Fournier. À la technique, Pauline Laverdure. Dominique Khalifa, donc l'histoire que je viens de raconter, à la fois drôle, pittoresque et assez bon, tragique, pathétique, mm-hmm. aussi par moments, c'est étonnant quand même, cette histoire de Amélie Ellie, cette gloire comme ça, soudaine et éphémère, elle devient une star, elle est même invitée par la comtesse de Castellane chez elle. Oui, le grand monde se passionnait de longue date, l'encanaillement est une tradition depuis assez longtemps, les grands de ce monde, lorsqu'ils viennent à Paris, vont faire la tournée des grands ducs, etc. La fiction le montre bien. Cette histoire d'amour a aussi fait battre les cœurs. En plus, c'est vrai que ces photographies, ces cartes postales de Casque d'Or, elles circulent beaucoup, on la voit. Donc il y a cette dimension-là qui n'est pas pour rien quand même dans l'extraordinaire succès de l'affaire. Ça plaît beaucoup. On ne fait plus trop la part entre la réalité et la fiction qui a été entretenue par la presse. Absolument. Aussi, et puis on raconte beaucoup d'histoires. Il y a des choses assez étonnantes que disent des journalistes de cette époque où ils nous disent on ne sait plus trop si cette affaire Casque d'Or et ces affaires des Apaches nous font peur ou nous font rêver. On ne sait plus trop si c'est quelque chose qui relève effectivement de l'univers de la délinquance ou si ce n'est pas quelque chose qui appartient au folklore parisien, au même titre que le Sacré-Cœur, la Tour Eiffel. Et ça, vraiment, tout est fait dans l'affaire Casque d'Or. Et Casque d'Or joue le jeu quand même. Elle y trouve un certain plaisir. On comprend d'ailleurs. Ouais. Mais il y a quand même un épisode bien réel et pas très drôle dans cette histoire, c'est le procès en mai 1902 qui va conduire Mandat et Leka condamnés tous deux aux travaux forcés au bagne de Cayenne. C'est presque une condamnation à mort. Presque. La guillotine sèche, on appelait Cayenne, d'autant plus que vous le savez, il y avait à cette époque la règle dite du doublage, à savoir que lorsqu'on était condamné à moins de 8 ans de prison, on était obligé de doubler la peine, on était obligé de rester sur place 8 ans de plus, et lorsqu'on était condamné à plus de 8 ans de travaux forcés, ce qui est le cas de Mandat et Leka, on était obligé de rester à vie. C'est vraiment une relégation, une exclusion du territoire métropolitain. Et puis alors la Guyane, on l'a pas dit là, mais enfin, à la fois le climat est terrible, les conditions de vie sont atroces, les violences interpersonnelles entre les bagnards, donc c'est vraiment effectivement... Oui, et le travail aussi. Et le travail, bien sûr, les routes, les travaux dans la jungle, etc. Et Amélie Ellie, la police quand même lui interdit aussi de faire... Trouble à l'ordre public. De chercher un petit peu, tirer finalement, profit elle s'en sort bien, ça. Je crois pas que la fiction le dit, elle s'en sert bien un petit peu plus tard, elle va épouser un monsieur Nardin, si mon souvenir est bon, qui était un bonnetier, je crois, et donc elle va finir ses vies comme une bonne bourgeoise à faire commerce de bonneterie. Mais jusqu'à la guerre de 14 au moins, sa figure demeure célèbre. Et puis il y a toute cette dimension Apache qui fait rêver. Ce terme est extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'on a appelé... Pourquoi les Apaches? Parce qu'on connaissait les batailles indiennes à l'époque. Ce qui est clair, c'est que depuis le milieu du 19e siècle, les fascicules, les romans populaires, la culture feuilletonesque des Français ont familiarisé le public avec les récits d'Indiens. Il y a énormément de traductions, mais aussi de créations françaises de petits romans, de fascicules, etc. Et donc, on connaît très bien les tribus indiennes depuis assez longtemps. Et il y avait longtemps qu'on parlait de peau rouge pour parler des ouvriers rebelles, des voyous, des rouges, ça allait bien. Les Mohicans, il y a un roman d'Alexandre Dumas très célèbre sur les Mohicans de paille, etc. Et donc, on va à la fin du siècle, effectivement, les dénommer Apaches parce que on sait effectivement que c'est la tribu qui compris les autres tribus indiennes redoutent, et qui est la tribu irréductible, qu'on ne peut guère que pousser dans les réserves lointaines, en l'occurrence la Guyane. Oui, exactement. Alors, ces Apaches, est-ce que ce sont des délinquants ordinaires ou est-ce qu'il y a une forme de révolte, de rébellion chez ces jeunes finalement, parce que ce sont des enfants d'ouvriers, est-ce qu'on peut s'habiller quand même d'une manière un peu extravagante, est-ce qu'il y a une forme de provocation? Il faut faire la part entre une partie de ce qu'on dit les 30 000, c'est un peu du fantasme. Il y a, si vous voulez, comme ça a toujours été le cas, comme c'est toujours le cas aujourd'hui, il y a un moment un peu fragile, un peu difficile dans la vie des jeunesses, de l'adolescence des classes ouvrières, un moment où on récuse un peu le travail, où on veut ni l'école, ni le travail, ni l'autorité familiale. On n'a pas envie de ressembler à ses parents. Il y a ce moment, si vous voulez, vulnérable de l'enfance populaire. Et la quasi-totalité des Apaches, de ceux qu'on appelle les Apaches, c'est des gamins comme ça, qui ont 15, 16 ans, l'école non, l'atelier non, ils sont dans la rue. Oui, parce qu'on a quand même l'école obligatoire, depuis les lois Ferry qui sont pas très vieilles. Depuis 1882, d'ailleurs, on dira, c'est à cause de l'école. l'école, regardez, ça fait 20 ans, dira-t-on à droite. Ça fait, voilà ce qu'a fait l'école sans Dieu. Donc, la plupart des apaches, c'est en gros des jeunes du milieu ouvrier qui vivent un peu, et pour la quasi-totalité d'entre eux, ils vont être rattrapés par le service militaire, par la vie de famille, par le mariage, par les gamins, et ils vont devenir, ils vont aller se faire tuer plus tard dans les tranchées. De 14, Et puis, il y a, et comme c'est toujours le cas, un petit groupe, une petite fraction un peu plus radicale qui, elle, va verser effectivement dans la délinquance. Ce que fait Bouchon, le premier amant de Casque d'Or, ou ce que font après Mandat et Leca, c'est-à-dire qu'ils se marient, enfin, comme on dit à l'époque, à la colle, ils mettent leurs copines sur le trottoir, parce que c'est comme ça qu'on fait, quoi. Et puis, eux, ils font, la plupart du temps, ils jouent aux cartes. Où ils boivent des absinthes ou des mélécas, mélécassis, des nokirs, là. Ils boivent du mélécas dans les cafés. Et puis, quand l'argent manque un peu, ils vont faire un petit coup et la plupart du temps, ils se font attraper. Parce que et puis, ils relèvent les compteurs. Tous les soirs, les filles donnent l'argent. Ben, c'est ce qui fait marcher le ménage. Et donc, dans cette fiction, on entend bien qu'il y a deux formes de prostitution qui cohabitent. Il y a Amélie, donc, qui fait le trottoir, là, et des hivers comme été, elle rêve d'une maison close où elle serait bien au chaud. Alors que Justine, sa copine, elle est dans un bordel, elle rêve de liberté. Bordel ou souteneur, est-ce qu'il y avait vraiment un meilleur statut entre guillemets ? Dans les maisons, le proxénétisme, c'est la mère maquerelle. Avec d'ailleurs un autre souteneur, la loi interdisait aux hommes d'être gérants de maisons closes, mais derrière les maquerelles, il y avait des hommes. Non, c'est la même forme de proxénétisme. Mais je pense qu'elle a. C'est très difficile de dire ça, mais la vie des filles en maison, c'était très, très, très difficile. Très dur, parce que la plupart du temps, elles ne pouvaient pas sortir. Là, je ne sais pas comment elle fait pour sortir. La copine de Casque d'Or, les sorties étaient collective, encadrée. La plupart du temps, elles étaient en maison tellement endettées, entre guillemets, qu'elles en avaient jusqu'au bout. En fait, on les renvoyait quand elles étaient plus capables de travailler. C'était l'asile ou la prostitution de rue la plus misérable. Quant aux filles de rue, il y en a un peu deux sortes. Il y a celles qui sont encartés, c'est-à-dire qu'ils sont déclarés officiellement à la préfecture de police et donc qui subissent des visites régulières. Et puis, il y a ce qu'est Casque d'Or, celles qu'on appelle les clandestines ou les insoumises, qui font le même boulot, mais qui sont en plus victimes de l'arbitraire et du harcèlement de la police de mœurs qui organise des grandes razzias. C'était dur, la vie pour ces filles. La vie sur le ruban, comme elle dit Amélie dans ses mémoires. Le ruban. C'est quoi le ruban? C'est le trottoir. C'est le trottoir. Mmh. Et on dit aussi que c'était une pierreuse. C'est une jolie expression. La pierreuse, mais ça veut dire quoi exactement? Il y a assez longtemps, depuis les années 1850, on utilise cette expression. La pierreuse, c'est la prostituée de plus bas étage qui se donne dans des terrains vagues, parmi, vous voyez, dans la zone, derrière les fortifs. Près des fortifs. Bon, merci beaucoup Dominique Khalifa, vous êtes l'auteur, je le rappelle, de La véritable histoire de la Belle Époque, publiée chez Fayard, ainsi que de L'encre et le sang, récit de crimes et société à la Belle Époque, chez Fayard aussi, et à lire également Casque d'or, une histoire vraie, d'Alexandre Dupuy, édité à la Manufacture de Livres chez Astarté. Autant n'importe l'histoire est terminée pour ce soir. Vous pouvez réécouter ou podcaster cette émission sur notre site franceinter.fr où j'attends aussi vos commentaires ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Dimanche prochain, pas d'autant n'importe l'histoire, vous avez rendez-vous avec Mélanie Bauer pour son émission d'été tous les samedis et dimanches à 21h pour les concerts d'Inter. Mais nous nous retrouverons à la rentrée avec plein de nouvelles et de belles histoires qui vous plairont, j'espère, à partir du dimanche 2 septembre. En attendant, vous pouvez bien sûr toujours podcaster ou réécouter sur le site toutes les émissions passées que vous auriez manquées. Mais pour ce soir encore, dans quelques minutes après le flash, vous avez rendez-vous avec Soro Solo dans L'Afrique en solo. Excellente soirée sur France Inter et très bon été.